pour nous si ça t'a cap changé. Maltraité Fambo Fambo n'a pas la prière pour nous si ça t'a cap changé pour you. Moi sorti les entrailles une femme qui pote moins 9 mois dans vente qui m'a moins 18 mois tété mais depuis t'es tout petit petit les moins vingt grand une femme bam la vie c'est cette femme qui tout besoin c'est pour ça que je dis à m'a chanté des respect pour yo. Moi sorti dans un trait une femme qui pote moins 9 mois dans vente qui m'a moins 18 mois tété mais depuis m'te tout petit petit. Les moins vingt grands, une femme bam la vie. C'est pour ça que j'ai tout besoin. C'est ça que fait jodi à m'a chanté. Demandez respect pour you. Situation non ouais coupé là par contre bonne besoin donc qui vient tout le dépasser ça non va comprendre ça c'est moi même qui a tête d'hélice à parler fort mal même pas penser pas changer zim de maman non on va vous monter mais non fait bah là bon figure les moi qui est coupé dis ça que maman ça qu'elle dit moi coupez vous même son lampo crabe vous mettez vous parce que je ne sais pas ça va me faire dis au contraire mon bagage fraîche la couleur pour venir avec la couleur oui c'est lui là oui c'est bagage ça c'est pour qu'on pas tendre tout oui c'est pour tendre lui comprends parce que l'homme calcule mon maman comprends mon bagage pour me dire mon bagage pour me dire et ça pour me dire nous allons contenir est-ce que vous allez regardez qu'on est là, nous là, moi là, va ça, va la dérouler. Mais m'abdou toute vérité là. Affaire femme dans son paquet à faire. Ouais femme, qu'importe son nom à faire, depuis que femme balade, on dit bah là pas bon. Ah, mais bah là, oui, bah là pas bon. C'est là, ouais, bah la vérité à vrai, bah là pas bon. Tout ça à faire, c'est pour mettre ton femme là-dedans. Et puis, on va gagner qui vivait. Bagay ki rive comprendre moi. Pourquoi nous comprendre? Pourquoi n'attendre moi? Pourquoi n'écouter moi? Parce qu'on va écrire. Regardez bien, une femme pour ton 9 mois d'avant. 18 mois d'été. Mais si on met des sauve mes amis, ils rendent nous, ils font pile bagaille pour nous. Ils font pile bagaille pour nous. Et comme l'autre bagaille plus important, faut quoi? Les bon t'étais deux fois. Ou t'étais deux fois. Ah, ah, bagaille ou pas t'étais. Ou t'étais deux fois. Ah, mais bagaille là. Ou t'étais deux fois. Femme. Femme. Femme. Respecte les femmes. Sorti dans un trait aux femmes qui portait moins 9 mois en vente, qui m'a moins 18 mois d'été. Et puis m'était tout petit, petit. Dans moi, je viens une femme dans la vie. Mais c'est femme qui tout besoin. C'est pour ça que je dis à ma chanter. On m'a demandé respect pour